Imaginez un être qui nous observe, nous dirige, nous forme pour arriver à ses fins. C'est pas nécessairement bon ni méchant. Disons que c'est le père spirituel de tous les hommes d'affaires. Je suis original, mais dans le fond, je suis un pion. Je suis un bourreau de travail, mais dans le fond, je suis un pion. Je suis un marginal, mais dans le fond, je suis un pion. Mais pourquoi donc, question? Mais qui leur dit quoi faire? Vous l'avez deviné, c'est Monsieur Société qui, depuis le début des temps, nous commande de faire d'argent. Si je fais ce qu'il veut, que je fasse, j'ai un sentiment d'accomplissement. Il nous change en quelqu'un d'important pour qu'on oublie qu'on est dépendant, qu'on vit à ses dépens, mais on se dit pas moi pourtant. Pourtant, essaye de passer une journée sans ton téléviseur, Licard, pis ton Tommy Hilfiger. T'aimes pas ça, cette vie-là? Ben sauve-toi dans le bois, sans électricité, nourriture déjà préparée, sans divertissement payant. Tu vas trouver ça chien, tu vas revenir en rampant devant Monsieur Société. Qui est tanné des déserteurs, il a fini d'avertir, il va se sévir, sa main va partir. Monsieur Société, ça va bien vous, ben pas moi. Je me sens comme une pompe tombée au sol, pis vous êtes le premier. Je m'explique, je suis pogné parce que vous m'avez créé comme bon vous semble. Tard de moi quelqu'un qui atteint les sommets. Mais quand je suis bon ou ben non, quand je fais le con. Tassez-les de là, placez-les dans une usine. Au salaire minimum, passez au saïeul, pis je trouve c'est un crime. De temps en temps, donnez-y une prime pour pas qu'il déprime. Je vis dans un milieu où la société fait que chier. Quand vient le temps des élections, je prépare mon crayon à cocher. Cocher oui, cocher non, mais cocher quelque chose. Je m'assure de voter la bonne affaire, sinon je passe pour le petit coquio qui revendique du changement. Ça fait pas juste 100 ans que c'est comme ça, c'est depuis le début des temps. La vie est planifiée, se fait chier, ça a l'air d'un plan pas négociable. Il faut que je ramène de l'argent le plus souvent en haut de la table pour être sûr que c'est taxable. Déconner, conner, instable. Je suis dans un état de crise aussi intense que celle de l'église. Parce qu'on croit plus qu'est-ce qu'ils nous disent. La science l'emporte, elle va tort. Moi j'ai un pied dans la porte, je sais plus qui croire, pas tort. Les stéréotypes sont présents, c'est clair et net. J'ai un standard à suivre, faut que je sois cote pis que j'ai des paix. C'est stressant, parce qu'il me semble que v'là pas ben ben longtemps. J'avais 10 ans, maintenant, faut que je fasse des enfants en grand nombre. Pour que l'économie roule, pour que les pièces y tombent en grand nombre. En tant qu'artisan du dernier rang de l'échelle sociale, j'ai le menton dans la gorge, mais je fais mes paiements pis j'avale. Je fais les choses à votre façon, je me suis fait dire que c'était ma mission. Mais j'avoue, des fois je me laisse aller, je m'excuse. La société me rend compte pour que je m'amuse, c'est une ruse. Je refuse de marcher dans cette direction plus longtemps. Pis vous allez voir, je vais changer mon tempérament. Qu'à ceux qui m'aiment le suivent, je me retrouve tout seul sacrement. C'est beau, j'ai compris, je peux dire prendre ma place dans le rang. Pour tous la même éducation, pour qu'on aille tous dans la même direction. Directement dans les paiements REER, fonds de pension, assurance emploi, etc. Consomme, consomme, tout petit bonhomme. Tout ce que tu fais sans le savoir, tu le fais pour lui. Autrement dit, tu vis pour cet esti-là. Y'a tout bien pensé pour te contrôler. À ceux qui désobéissent, y'envoie la police pour ramener les brebis égarées et isolées dans nos cellules mentales. À courir après la meilleure classe sociale. Des milliards de Pinocchio contrôlés par un seul Gepetto qui nous dit comment réfléchir, agir, divertir, se nourrir, grandir, se reproduire, vieillir, mourir, pourrir, rire, dormir, souffrir, bâtir, détruire, se conduire, partir, venir. Réfléchir, agir, divertir, se nourrir, grandir, se reproduire, vieillir, mourir, pourrir, rire, dormir, souffrir, bâtir, détruire, se conduire, partir, venir. Vous n'êtes pas des asticots, vous n'êtes pas spéciaux. Pas beau et unique comme un flocon de neige. Vous faites partie de la même matière organique en décomposition que tout le reste. Les serviteurs du monde.